La chaste Suzanne par Marthold à Mademoiselle Alice Lodi. Une chambre, à gauche une table avec des livres et de quoi écrire. Scène unique. Elle était assise, les coudes sur la table, la tête dans les mains et se bouchant les oreilles, répète tout bas et très vite avec la frénésie de quelqu'un qui ne peut arriver à retenir quelque chose par cœur. Alors les deux vieillards conçurent pour elle une passion criminelle. Alors les deux vieillards conçurent pour elle une passion criminelle. Alors les deux vieillards conçurent pour elle une passion criminelle. Alors les deux vieillards conçurent pour elle une passion criminelle. Une passion criminelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Car je n'y comprends rien à cette leçon. Et moi, quand je ne comprends pas quelque chose, d'abord, il m'est impossible de le retenir, et puis, ça me met en colère. Voyons donc. Alors les deux vieillards conçurent pour elle une passion criminelle. Eh bien, non, j'ai beau lire et relire le tout à l'affilée, plus je lis, moins je comprends. Ah, cette leçon, ce qu'elle m'agace! Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, je vous le demande? Il y avait à Babylone un juif fort riche. Fort riche, bien entendu, un juif. Appelé Joachim. Joachim, c'est un nom polonais. Alors, c'était le juif polonais. Suzanne, son épouse, qui avait été parfaitement élevée. Au couvent, sans doute. Parfaitement élevée, comme le prouve la vertu qu'elle fit paraître dans la suite, était d'une grande beauté. Eh bien, voilà où je commence à ne plus comprendre. D'abord, je l'ai lu la suite, et je n'ai pas vu quelle vertu elle avait fait paraître. Du tout. Et puis, belle et vertueuse, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver de désagréable? Enfin, continuons. Or, deux vieillards, juges du peuple et amis de son mari, l'ayant vu, s'en éprirent. S'en éprirent, qu'est-ce que ça veut dire? Éprendre, verbe. Verbe quoi? Actif ou passif? Moi, j'ai idée que ce doit être un verbe actif. S'éprendre. Ah non, s'éprendre, c'est un verbe pronominal, un verbe réfléchi. S'éprendre. Je n'en vois pas bien le sens. Au fait, est-ce que je n'ai pas mon dictionnaire? Ah, les dictionnaires, on ne saura jamais combien ça sert. Voyons. S'éprendre. Éprendre. E-P-R, E-P-R. Épouvanté, époux. E-P-R-E, E-N. Éprendre. Voilà. S'éprendre, verbe pronominal, se passionner. Ah, voilà ce que ça veut dire. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie, se passionner? Oh, ces dictionnaires, on ne saura jamais à quoi ça ne sert pas. Or, Suzanne avait coutume de se promener dans son jardin, et un jour que la chaleur était grande, elle voulut se baigner. Prendre son bain dans un jardin, quelle drôle d'idée! Enfin, dans ce temps-là, ça devait être de drôles de gens, ces anciens. Alors, les deux vieillards conçurent pour elle une passion criminelle. Ah, ma phrase, c'est là que j'en suis. Une passion criminelle. Et je comprends de moins en moins, c'est désespérant. C'est prendre, c'est se passionner. Voyons ce que c'est que ça, se passionner. Encore un verbe, c'est toujours des verbes. Passionner, verbe actif pronominal, s'intéresser fortement. En ce cas, ce sont des amis. Pourquoi passion criminelle, alors? Passion, substantif féminin. Mouvement de l'âme, affection violente, amour, maladie. Comment ça, maladie? Souffrance de Jésus-Christ. Eh bien oui, la passion. Au fait, c'est vrai. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, c'est dans 2 jours que se fera la Pâque. Eh bien oui, eh bien oui. Eh bien non, je ne suis pas plus avancée qu'avant. Ah, j'ai bien demandé à maman ce matin ce que tout cela voulait dire. Elle m'a répondu, petite sotte, c'est cependant bien facile à comprendre. Facile, non, ce n'est pas facile, du tout même. Ça l'est peut-être pour maman, mais pour moi, dame, j'avoue que c'est comme si on me parlait hébreu. C'est la première fois qu'il m'arrive de comprendre aussi peu que ça. Aussi, ce que je l'ai en grippe, cette chasteté de Suzanne. Chasteté, chasteté. Eh bien, voilà. Voilà encore un mot. Mais pourtant, je l'ai déjà vu quelque part, il me semble. Chasteté, je connais ça, oui. Je me rappelle même que, comme je ne savais pas ce que ça signifiait, je l'ai cherché dans le dictionnaire. Seulement depuis j'ai oublié. Chasteté, quand donc, où donc? Au fait, c'est encore dans l'Ancien Testament. Je ne me trompe pas, non ? Chasteté, chasteté, chasteté de Joseph. Eh bien, Joseph, c'est un homme. Et Suzanne, c'est une femme. Alors, la chasteté, c'est donc des deux genres ? Chasteté, substantif féminin. Ah, c'est féminin. État chaste. Chaste, adjectif. Pur, modeste. Modeste, modeste, ça je sais, c'est de ne pas interrompre les grandes personnes au milieu de la conversation. Maman me recommande toujours d'être modeste. Jamais elle ne m'a dit d'être chaste. Ou alors, c'est que je n'y ai pas fait attention. Voyons donc, c'est l'histoire de Joseph pourrait m'aider à comprendre celle de Suzanne. Joseph a été condamné pour avoir laissé son manteau chez la femme du ministre. À une soirée, probablement. Comme ils vous condamnaient pour peu de choses, ces Hébreux. Une fois, j'ai perdu un mantelet. Maman m'a grondé un peu, c'est vrai, mais ça a été tout. On m'en a racheté un autre. Et Suzanne, elle, on l'accuse parce que, ma foi, pourquoi ? De quoi l'accuse-t-on ? On ne le dit pas. Il n'est pas question de manteau, puisqu'elle est au bain. Et quand cette histoire-là est arrivée et que Daniel a défendu Suzanne et prouvé son innocence, c'était un avocat comme papa. Il n'avait que 12 ans, dit le livre. Et moi, j'en ai 14 bientôt. C'est que Daniel était plus avancé que moi. Ou alors que c'est mal raconté là-dedans. Car enfin, je ne suis pas plus bête qu'une autre. Enfin, allons toujours. Ils saisirent le moment où Suzanne allait se mettre au bain et la menacèrent de la calomnier si elle ne consentait pas à leur désir. Leur désir au pluriel. Ces gens-là voulaient plusieurs choses. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient ? Si c'était de l'argent, ils choisissaient mal leur moment. Quand on est dans l'eau, on n'a pas son porte-monnaie sur soi. Elle leur répondit qu'elle préférait souffrir tout le mal qu'ils voulaient lui faire. Le mal qu'ils voulaient lui faire ? Ça se contredit tout le temps. Tout à l'heure, ils s'intéressaient fortement à elle, dame, d'après le sens du dictionnaire. Et maintenant, ils ne voulaient cependant pas la couper par morceaux. Qu'ils voulaient lui faire que commettre un pareil crime. Allons bon, c'est elle à présent qui parle de commettre un crime ? Il n'y a pas un crime, il y a un pareil crime. Pareil, pareil à quoi, puisqu'on a encore parlé de rien. Dieu, que c'est donc ennuyeux quand on ne comprend pas. Je me fais l'effet de quelqu'un qui serait condamné à enfiler une aiguille sans lumière. Impossible de trouver. La honte et le dépit de se voir méprisé succédèrent à la passion de ces vieillards. Encore la passion ? Ils poussèrent de grands cris. Alors je me suis trompé. Ce n'étaient pas des voleurs, ni des assassins. Qu'est-ce que c'était ? Les domestiques accoururent, et quand ils entendirent l'accusation des deux vieillards, ils rougirent. Qui ça ? Rougir ? Les domestiques ? Ça rougit donc, des domestiques ? Car jamais rien de semblable n'avait été dit de Suzanne. Rien de semblable ? À quoi ? On met des notes en bas de page dans ces cas-là, pour expliquer, si on veut qu'on comprenne. Ou si on veut qu'on ne comprenne pas, eh bien, on le dit. Cependant, les vieillards commandèrent que le lendemain, on fît paraître Suzanne devant le peuple pour être jugée. Mais puisqu'elle n'a rien fait à la fin, on n'a pas à la juger. Et c'est tout. Tout pour aujourd'hui. Ah, ma foi, tant mieux. Le jugement, comme dit papa, est remis à huitaine. Maintenant, je vais faire mon analyse logique. Ah, j'aime mieux ça. Au moins, je comprendrai. Ici se termine La chaste Suzanne par Marthold, enregistré par Christiane Johanne.